moi ce soir sous le soleil brûlant. Il y a longtemps que je ne vogue plus sur le dos du serpent, à genoux sur le dos du serpent. Sévère les refrains sans terre, sur le dos du serpent, sur le dos du serpent, à genoux sur le dos du serpent. Regarde les cratères et les chamans indiens montrent les chemins sur le dos du serpent, à genoux sur le dos du serpent. Et ça. Ce soir, fais péter les drogues. Ce soir, tu verras, je vogue. Je vais voir le serpent de près. Ce soir, je serai sous acide. Sur le dos du serpent, à genoux sur le dos du serpent. Un genou sur le dos du serpent. Du serpent. Du serpent. Du serpent.